Les délégués à la première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti ont vu le vent de courant le documentaire coréen pour opérer un tournant décisif de la révolution. Ils ont été présents Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et autres cadres du comité central du parti. Ce film montre les exploits immortels du dirigeant suprême Kim Jong-un qui a conduit lucidement tout le parti, toute l'armée et tout le peuple pour ainsi obtenir dans un court laps de temps la transformation séculaire dans tous les domaines de l'édification d'une puissance socialiste comme la politique, le militaire, l'économie et la culture.